Troisième séquence, allée de la colline, AC3. Deux fragments entre le logement et l'extérieur. Premier fragment, trajet vers un appartement. Là aussi, là on peut descendre. Et là, c'est quoi, là? Pour retourner encore des nouvelles portes pour rentrer dans les garages. Donc là, on rentre par l'arrière de la galerie, là, hein, c'est ça? Puis aussi, à cause du vent ici, il y en a beaucoup qui rentrent dans les allées pour discuter. Alors... Il y en a beaucoup qui rentrent dans les allées pour discuter. Mmh, les allées ici, là. Ouais, si, puis ils se mettent dans les escaliers puis discutent. Ah ouais. C'est vrai, ça se fait souvent. À quel moment? Hein? À quel moment? Vers le soir. Surtout vers le soir? Ah, parce qu'il fait nuit et puis ils ne savent pas quoi faire. Mmh. Ah, ben... Bonjour. Bonjour. Oh, une bien spéciale. Je. D'accord, ben. Je vous laisse faire parce que je vais au boulot. Hein. D'accord, oui. Mmh. Ça va manger. Oui. Alors là, ça. D'accord. Là, ça donne sur le. Sur la rue, là. Sur la rue, oui. Ah, c'est la rue, là. Ouais, dis donc, c'est la rue, finalement, puisque c'est considéré comme.